cachot. Foudre au cachot. Au cachot. J'ai allumé ma télé, j'ai écouté la radio, j'ai même regardé dans l'idée. C'est vrai que c'est pas très rigolo, mais faut bien admettre la vérité. Ils ont voté Sarko. Quelques temps, je le voyais quand même assez souvent sur la une et même sur LCI, parfois aussi sur le satellite. J'ai PPD à de rares moments, mais de là à ce qu'il soit président. On est des nantis et des patrons, ils vendent vie pour du pognon. La bande entière jusqu'au facho, faudrait tous les foutre au cachot. Au cachot. Continuer à regarder tous ces journaux à la télé, ces émissions bien présentées me montraient la réalité. Ça m'a changé les idées. Maintenant je suis du bon côté. Avant je réfléchissais, j'essayais même de me cultiver. Maintenant je sais qu'on ne peut rien changer. Laissons-nous diriger, bien ranger. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait. Il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Je suis un idiot de français, plutôt salaud, même carrément mauvais. J'aime cette société qui nous fait travailler, qui de la sécurité, les déviants faut les enfermer. Les enfermer. Avant je me prenais la tête, maintenant je grâce à ces tubes pré-mâchés, j'ai plus besoin de penser. J'oublie même mon humanité et je reste devant la télé. À trop réfléchir, on se fait souffrir. Pourquoi s'interroger sur le monde de l'adversité? Il suffit de regarder la télé.